écouter mon cœur me fait découvrir un monde féerique. Mais étrange, où je marche en explorateur. Fermer mes yeux et écouter mon cœur me fait retrouver les fontaines de ma tristesse et les innombrables anges qui me font vivre. Fermer mes yeux et écouter mon cœur me transporte vers des espaces inconnus à explorer. Fermer mes yeux et écouter mon cœur me fait découvrir un monde féerique. Mais étrange, où je marche en explorateur. Son cœur.